À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, la cérémonie de remise d'une corbeille de fleurs devant son portrait en sourire a eu lieu le 6 courant à l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Y ont pris part le secrétaire général et les membres de l'Organisation de solidarité des peuples des trois continents, l'ambassadeur coréen à Cuba et ses collaborateurs. Les participants ont déposé la corbeille de fleurs devant le portrait en sourire du président Kim Il-sung avant de formuler leur hommage sublime.